وحاق بآل فرعون سوء العذاب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, le cours qu'on a projeté de faire, qui seront sur le thème de Thalathatul Usul, Al-Usul Al-Thalatha, un livre qui est très riche dans son contenu, qui a été écrit par le grand cher réformateur Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui vécut au courant du 18e siècle. Pourquoi la valeur de ce livre-là? Car déjà, le titre en lui-même nous montre la valeur et la grandeur de ce livre. Al-Usul Al-Thalatha. Al-Usul, c'est le pluriel du terme Asl. Et l'Asl, c'est le fondement, c'est l'origine. Thalatha, c'est le nombre 3. Donc, ce sont les trois fondements, les trois sources. Et là, l'auteur, pourquoi il a écrit cet ouvrage-là? Et on remarquera plus tard que l'auteur, dans tous les ouvrages qu'il a écrits, il les écrit toujours d'une manière très simple. C'est des ouvrages qui sont faits en premier lieu pour la masse des musulmans qui ne sont pas aptes à pouvoir comprendre des termes plus techniques et plus spéciaux. Donc il leur parle d'un discours qui est très simple à comprendre, quelques versets coraniques, quelques hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et une saine compréhension comme l'ont compris les pieux prédécesseurs. Et c'est pour ça que souvent dans ses ouvrages, on ne trouve rarement des citations de lui-même, mais souvent que des versets et des hadiths. Et le musulman qui a un minimum de compréhension comprend ce que le contenu de ces versets et le contenu de ces hadiths. Donc pourquoi il a choisi ce thème-là, Al-Usul Al-Thalatha? Parce que l'homme dans sa vie, il entreprend beaucoup de choses. Et lorsqu'il va apprendre, il voit devant lui qu'il a beaucoup de choses à apprendre. Déjà, je préfère ouvrir une parenthèse avant. C'est que ce serait préférable pour les frères et les sœurs qu'ils aient tout le temps avec eux un calepin ou un cahier, et un crayon, un stylo pour prendre des notes. Ça, c'est très important. C'est vrai que peut-être que certains pourraient retenir dans leur tête, mais il est préférable, ça aide de plus, lorsqu'on prend des notes, hein, ça fait plus sérieux déjà, et ça aide de plus pour apprendre, Inch'Allah. Donc, je disais, l'homme, donc, il doit comprendre une chose, c'est que dans la vie, il doit faire avancer les priorités. Comme disait le poète, qui disait une très belle parole, une parole de savant, qui dit « Al-ilmu in talabtahu kathiru wal-umru an tahsilihi qasiru » La science, si tu la demandes, elle est immense. On ne peut amasser toute la science qu'il y a sur Terre, bien qu'elle est minime par rapport à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la vie, pour l'amasser, est courte. Donc, فَقَدِّمِ الْأَهَمَّ فَالْأَهَمَّ fait passer en premier lieu le plus important au plus important. Et le plus important dans cette vie, dans ce bas monde, c'est la connaissance de son Créateur. Pourquoi ? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a créés que pour son adoration et que pour son obéissance. Allah dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il veut qu'on l'adore, c'est pas comme nous on l'entend, mais c'est comme lui l'entend et comme lui il veut. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des prophètes et des messagers pour enseigner à l'humanité comment Allah subhanahu wa ta'ala veut être adoré, veut être obéi. Et qu'est-ce qu'il attend de ses créatures ? Pour pas que les êtres humains, les gens, aient un argument ou une preuve auprès de leur Seigneur Yom Al-Qiyamah, car il n'y a pas une communauté sans que leur avertisseur ne leur soit venu. وَإِمْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَى فِيهَا نَذِيرٌ. Et il n'y a pas une communauté dont l'avertisseur n'est pas venu. Donc ça, c'est déjà le premier point, à savoir, la première priorité, c'est de savoir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de ses créatures. Ça, c'est la première des choses. Et il faut, Allah subhanahu wa ta'ala, nous en tant que musulmans, et musulman veut dire soumis, parce que musulman n'est pas la vraie traduction du terme musulman. Hein? C'est une forme de déformation du terme musulman. Mais si jamais on devait le traduire conformément au terme, ça voudrait dire les soumis. Et c'est pour ça que si tu dis Jésus est soumis, tout le monde comprend. Tu dis que Moïse est soumis, tout le monde comprend. Mais si tu dis sont musulmans, il y en a, ils n'arriveraient pas à comprendre. Parce qu'ils ne savent pas ce que veut dire vraiment le terme musulman. Alors que depuis Adam, tous les prophètes et tous les messagers sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, quand il parle d'eux dans le Coran, hein, il les appelle musulmans. C'était des gens soumis. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le dernier de ses livres, le Coran, sur son prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Le Coran qui est un livre qui englobe beaucoup de connaissances et beaucoup de sciences, parmi lesquelles il nous cite l'histoire des prophètes et des peuples d'auparavant, de ceux qui ont réussi, et c'est à nous de prendre le son et de voir lequel chemin ils ont pris pour réussir, pour que nous on les imite. Et de ceux qui n'ont pas réussi et qui ont raté cette vie et l'au-delà, et pour qu'on prenne leçon d'eux et qu'on ne les imite pas sur les erreurs qu'ils ont faites. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur exemple dans ce domaine-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous cite les récits des prophètes et des messagers. Pourquoi ? C'est pour qu'on en prenne leçon et qu'on suive leur chemin. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a fait que suivre la lignée des prophètes d'auparavant et des messagers d'auparavant. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et c'est à nous de voir ces prophètes-là et ces messagers, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala les a incombés de son message et du fardeau qui était sur leurs épaules, comment ils s'y sont pris. Et par quoi ils ont commencé. Et c'est là qu'on voit que tous les prophètes, lorsqu'ils venaient à leur peuple, qui était égaré, plus ou moins égaré, car les peuples n'étaient pas au même degré d'égarement, ils étaient égarés, mais pas au même degré. Et on remarque que tous les prophètes, la première chose qu'ils sont venus enseigner à leur peuple, c'est de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. De faire l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'unicité sous sa globalité et sous sa compréhension générale du terme. De croire en Allah subhanahu wa ta'ala comme quoi c'est lui le créateur. Et comme quoi c'est lui qui pourvoit. Et comme quoi c'est lui qui donne et c'est lui qui reprend. Et que toute chose appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, elle dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ne vouer une adoration ou un culte, tout culte et toute adoration ne doit être que pour Allah subhanahu wa ta'ala, exclusif sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont venus d'abord premièrement enseigner ça à leur peuple, avant de leur parler de quoi que ce soit, la première des choses, c'était de leur enseigner ça. Et on voit très bien que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pendant près de 13 ans, à la Mecque, la prière n'a pas été encore ordonnée, le jeûne n'a pas été encore ordonné, le pèlerinage n'a pas encore été ordonné, et ainsi de suite. Et on voit qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train d'ancrer dans les cœurs des Sahaba la parole « La ilaha illallah » sous sa vraie signification. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur et la meilleure personne qui aurait pu enseigner une communauté. Car il a la sagesse complète, il a la miséricorde avec lui, il a la patience. Il a le pouvoir de dire en peu de mots ce que nous on aurait besoin de dire en plus de mots. Et il parlait un langage clair. Et tout ce qui sortait de sa bouche n'était qu'une révélation qui lui était révélée. Donc c'était la vérité en elle-même. Donc les Sahaba, ils étaient tranquilles. Ils n'avaient pas besoin d'aller chercher à droite à gauche. Celui qui est devant eux, c'est le prophète. Et il ne dit que la vérité. Et ils étaient tranquilles. Tranquillisés de ce côté-là. Ils n'avaient pas besoin d'aller voir quelqu'un d'autre pour chercher à comprendre. Avec toutes ces données, eh ben, il lui a fallu 13 ans. Et ce qui est dommage à dire, c'est qu'aujourd'hui, et ça ne date pas d'aujourd'hui, de plusieurs décennies, même si ce n'est pas des siècles, combien veulent nous faire croire que l'apprentissage et l'enseignement du tawhid limite. Et c'est pour ça que vous remarquez, lorsque quelqu'un rentre dans l'islam, ou lorsque quelqu'un revient à l'islam, on lui dit quoi ? Dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et quand il l'a dit, ça s'est terminé là. Après on lui explique la prière, on lui explique à peu près les autres règles de l'islam. Et voilà, et c'est fini. Et cette personne-là n'entendra plus jamais parler de l'islam en grâce au moment. On lui enseignera plus. Pourquoi ? Parce qu'on croit que c'est fini, ça y est, c'est bon. C'est parce qu'on n'a pas compris encore. Et tant qu'on ne suit pas le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, progressivement comme lui, il a entrepris la chose, notre chemin ne mènera vers rien. Si on cherche la réussite, la gloire et la fierté qu'avaient les Sahaba et les premiers musulmans, nous devons prendre le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsqu'on prêche, on prêche en priorité par ce quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné priorité. Et la première des choses, c'est le tawhid. Car tawhid, c'est le moteur du musulman. Tawhid, c'est le moteur du musulman. Et c'est pour cela que beaucoup de savants ont écrit dans ce domaine-là. Ont essayé d'expliquer le credo du musulman. Et il y a une chose qu'il faut savoir. Que le tawhid, qu'on explique en plus général par le terme l'iman. Mais l'iman, il faut savoir qu'il a plusieurs significations. L'iman, c'est ce qu'on traduit par la foi. Mais parfois l'iman, on entend par l'iman le credo ou le dogme. Et c'est pour ça qu'après on a le terme aqida. Donc on a l'iman et on a l'aqida. Dans un sens, ça veut dire la même chose, mais dans un autre sens, ça ne veut pas dire la même chose. Lorsque ça veut dire la même chose, on n'a pas y entrer, c'est compréhensible. Là où ça ne va pas ensemble, c'est là où je vais entrer. Al-aqida, elle ne bouge pas. Tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, au jour dernier, tu crois aux attributs d'Allah et ainsi de suite. Toutes les choses que tu dois croire, est-ce que le lendemain ça doit changer ça ? Non. Est-ce que ça va augmenter ou ça va rabaisser ? Non. Ça reste, ça ne bouge plus. Ça c'est ce qu'on appelle l'aqida. Mais l'iman, c'est cette force de croyance qu'a l'homme, c'est par le degré de sa piété, par le degré de sa crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et par le degré de ses adorations qu'il fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, ou des lieux bien précis qui font qu'il se sent mieux, ou avec des personnes bien précises où tu se sens mieux, ou à des moments bien précis, là c'est ça qu'on appelle l'iman, la foi. Elle monte, ou alors elle descend, lorsqu'on est avec des mauvaises personnes, lorsqu'on est dans des lieux mauvais, ou lorsqu'on est éloigné d'Allah, où on ne ressent pas la crainte d'Allah, où on n'a pas beaucoup de piété, là on voit que la foi, elle descend. Donc là la foi, elle monte et elle descend. Mais ce n'est pas le credo de dogme qui monte et descend. Est-ce que vous avez très bien compris cette différence-là, pour ce point-là ? Ça, il faut très bien le comprendre. Ça, c'est un domaine très important à comprendre. Parce que beaucoup ne le comprennent pas. lorsqu'on leur explique le dogme, le credo islamique authentique comme l'islam nous le demande, hein, ils disent oui, mais ça c'est, ça manque de piété, ça manque de clémence. Ce sont des paroles qu'on lance dans les cœurs des gens et c'est tout. Mais ils disent, on voit pas la clémence, on voit pas la miséricorde, on voit pas les œuvres, on voit pas. Ils ne comprennent pas que ça c'est une chose qu'il faut avoir. Et après, d'augmenter sa foi par les adorations, par les bonnes œuvres et tout, ça c'est une autre chose. Et les deux vont de pair. Il faut les faire. L'une ne va pas sans l'autre. Si quelqu'un dit j'ai la foi dans mon cœur, mais je ne pratique pas l'islam, ça ne sert à rien. Si quelqu'un dit je pratique l'islam, mais j'ai pas besoin de la foi, ça ne sert à rien. Les deux vont de pair. Les deux vont de pair. Ça, il faut bien le comprendre. Et ce n'est pas parce qu'une partie est négligée qu'il faut rejeter l'autre. Ça, c'est un point très important à bien retenir. Donc, on voit très bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a très bien transmis le message, convenablement, comme Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé. Et il l'a très bien enseigné aux sahaba. Et les sahaba, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'ont très bien transmis et l'ont très bien enseigné à leurs disciples, les tabi'in. Et les tabi'in ont fait le même travail. Mais avec le temps et les époques et les générations, Satan a très bien travaillé. Et les sectes ont commencé à naître. Et la faiblesse de la communauté a commencé à naître et les divisions ont commencé à se faire voir. Et tout ceci n'est qu'une preuve de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui avait très bien dit les juifs se sont divisés en 71 factions, les chrétiens en 72 et ma communauté se divisera en 73. Ils iront tous en enfer sauf une. Ils dirent au messager d'Allah, quelle est cette faction qui sera rescapée? Il dit, c'est le groupe. Et dans une autre version qui explique ici le terme groupe, il dit, c'est ceux qui sont sur le même chemin que moi je suis, ainsi que mes compagnons. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait très bien dit qu'il y aura cette division-là, et il en avait bien parlé, qu'il y aura cette division-là. Donc, il faut faire en sorte de faire partie de ce groupe qui est rescapé, qui ne fait pas partie de tous ces groupes qui ont mis la division chez les musulmans. Il faut faire partie du groupe mère, le groupe qui retourne au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ses compagnons et aux tabi'in qui étaient les générations les bien guidées, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a vantés en disant la meilleure des générations c'est la mienne, puis ceux qui viennent après eux, puis ceux qui viennent après cela. Donc c'est les trois premières générations dans lesquels l'islam il était appliqué et compris convenablement comme il avait été laissé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est très important. Et c'est pour ça qu'au fur du temps, les savants ont été obligés de revenir à l'explication et à démontrer la vraie croyance et le vrai dogme, le vrai credo aux musulmans à chaque fois qu'une secte naissait. Ils étaient obligés de venir contrer, car c'est un djihad de défendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de contrer et de combattre toute innovation et toute nouveauté dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de courage dans sa religion, car lui-même il l'a parachevé par la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est mort que lorsque la religion a été parachevée complète. On n'a plus besoin ni d'y rajouter ni d'en enlever. Et ça il faut le savoir. Donc les quatre imams ont eu leurs épreuves pendant leurs époques. La plus grande épreuve, elle est arrivée à qui? À l'imam Ahmed ibn Hanbal, qui est mort en l'an 241 de l'Hégire, le grand imam, fondateur de l'école Hanbalite. Imam Ahmed ibn Hanbal, le grand muhadith, le grand faqih, qui a écrit son grand livre Al-Musnad, où il y a près de 40 000 hadiths. Il connaissait par cœur près de 1 million de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet grand imam qui vécut à Bagdad, il a été fouetté et emprisonné pendant plusieurs années. Pourquoi? Parce qu'on l'a forcé à dire une chose qui est contraire à la vraie croyance et au vrai dogme des musulmans. Car le sunna, les gens de la sunna du prophète sallam disent que le Coran est incréé, elle est la parole d'Allah directement. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à son époque, beaucoup, une secte, les sectes qui disaient, et surtout le Mu'tazila, et qui avait un pouvoir, qui était rapproché du gouvernant, disaient que le Coran est créé, est une créature. Et ils ont forcé l'imam Ahmad ibn Hanbal à dire qu'il est créé. L'imam Ahmad ibn Hanbal, vu ce qui allait lui arriver, entre en prison et se faire torturer, peut-être même être tué, il aurait pu, par crainte de tout cela, dire « D'accord, je dis que le Coran il est créé, et après il le lâche, et après il redit « Non, les gens, j'ai dit ça parce que je ne voulais pas qu'il m'arrive un mal, mais ce n'est pas ma vraie croyance. » Mais quelqu'un de la masse pouvait se permettre ça. Mais lui, c'est un imam, c'est un savant qui est écouté, qui est suivi par les gens. Et donc, de peur que les gens prennent cette parole-là, au coup beaucoup à dire, l'imam Ahmed lui-même a dit que le Coran a été créé, alors que c'est un grand imam. Et bien non, il a préféré patienter, subir ce qu'il a à subir, car c'est une chose qu'Allah a décrété, mais de ne pas dire que le Coran est créé. Au fur aussi des siècles, il y a eu toujours ces combats-là entre les savants de la droiture et du droit chemin qui sont venus là pour défendre le dogme islamique et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et contrer toute innovation. Et ils ont eu à subir ce qu'ils ont eu à subir. Et au fur des temps, il y a eu des épreuves qui ont été... Puis, on arrive à l'époque de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, de son vivant, il y vécut à Damas. Il est né en l'an 661 de l'Hégire et il est mort en l'an 729 de l'Hégire. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il vécut à Damas à une époque sombre où il y avait toutes les sectes à Damas. Les têtes des sectes, elles étaient là-bas. Et lui, il grandit dans ce milieu. Mais il a cherché la vérité. Et il a appris, il a étudié, depuis son enfance. À la vingtaine, c'était lui qui faisait le commentaire du Coran dans la plus grande mosquée de Damas, à son époque. Et c'était un homme que tout ce qu'il avait entre ses mains, il l'apprenait par cœur. Il l'apprenait par cœur, c'était du par cœur. C'est pour ça que lorsqu'il est venu en Égypte pour pousser l'armée égyptienne à se soulever contre les Tatars et les Mongols qui avaient envahi l'Irak et qui venaient pour envahir Damas, un très grand savant d'Égypte d'époque qui est Ibn Daqiq al-Eid, c'est un très grand savant, un spécialiste du madhhab Shafi'i et madhhab Maliki, un très grand muhaddith aussi, il le rencontra et il dit: je suis étonné de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. C'est un homme à qui tous les ouvrages sont ouverts auprès de ses yeux. Et il prend de là où il veut et il délaisse ce qu'il veut. Parce qu'il connaissait tout ce qu'il avait, il le connaissait par cœur. Et c'est une chose qui n'a pas été donnée à tout le monde. Car beaucoup ont été des grands imams. Beaucoup ont été des grands savants. Mais la plupart ont été plus spécialistes dans un domaine bien précis. Certains dans le tafsir, le commentaire du Coran. Certains dans les lectures du Coran. Certains dans le fiqh. Certains dans le hadith, mais lui, c'est pour ça qu'on l'appelle, c'est la rareté de l'époque. C'est la rareté de l'époque. Un homme à lui seul, il compterait tout le monde. Lorsqu'il s'asseyait dans une assemblée où il y avait les plus grands savants dans le domaine du hadith, devant lui, ils se taisaient tous, car ils voyaient en lui plus connaisseur. Lorsqu'il s'asseyait dans une assemblée de fuqaha, qui parlait dans le domaine du fiqh, ils se taisaient tous, car ils voyaient en lui qu'il était plus fort qu'eux. Et ainsi de suite, il n'y avait pas une matière sans que ce soit lui qui était au-dessus de tout le monde. Et ça n'a pas été donné à tout le monde. Ça. Et c'est pour ça qu'Ibn Taymiyyah, il a vraiment défendu la sunna du prophète sallam. Tous ses ouvrages, vous les voyez, ils ont été écrits. Et la plupart ont été écrits en prison, car la plupart de sa vie l'a passé en prison. La plupart de ces ouvrages ont été écrits, ça a été pour, comme réfutation et pour contrer les mauvaises opinions, les mauvaises idées, les mauvaises croyances et les sectes qui prétendent être dans l'islam. Et c'est pour ça que ça, c'est un grand homme de l'histoire et qu'il faut vraiment, c'est un homme qu'il faut étudier et c'est vraiment très riche, sont très riches ces ouvrages. Avec le temps, il y a eu aussi d'autres, certains qu'on connaît, qui ont subi le même sort, qui ont défendu la sunna du prophète sallam et qui ont défendu le dogme islamique authentique, qu'on les connaisse ou qu'on ne les connaisse pas, combien ont été des grands savants, des grands imams, mais qu'on n'a pas pris connaissance d'eux. Combien leurs ouvrages ont été brûlés pour ne pas laisser de traces. Et on arrive à l'époque de Cheikh al-Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab. Lui, il vécut en Arabie. Et Muhammad ibn Abdul Wahhab, il était de famille qui était de rite hanbalite. Il suivit l'imam Ahmad ibn Hanbal. Il vécut au moment où le califat, c'était le califat ottoman, c'était les Turcs. Al-Uthmaniyoun, la capitale qui est Istanbul. Avant, on l'appelait Islamboul. Après, on l'a appelé Istanbul. Ce qui était la capitale du califat ottoman. Et c'était eux qui avaient la prise en Arabie. Et cet homme-là, quand, lorsqu'il naquit, il alla à la recherche de la science. Il apprenait. Il a beaucoup bougé en Irak, en Arabie, à la Mecque, à Médine. Et il a compris beaucoup de choses. Et il s'est beaucoup spécialisé dans les ouvrages de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah et de son grand élève Ibn al-Qayyim, rahimahumallah. Donc, il s'est beaucoup spécialisé dans leurs ouvrages. Il les a étudiés et il en a même résumé certains. Et pour parler d'Ibn Abdul Wahhab, qui est l'auteur du livre qu'on va, Inch'Allah, qu'on a l'intention d'étudier, Inch'Allah, au moins une fois par semaine, essayer de faire c'est un petit livre, l'on se fait la fin. Et on essaie que demander, Inch'Allah, c'est qu'on essaie de l'apprendre par cœur, le texte, au minimum le texte. Et puis aussi, il essaie de comprendre le contenu de ce texte-là, Inch'Allah. Donc, Muhammad ibn Abdul Wahhab, qui est l'auteur de ce livre-là, il a écrit un autre livre dans le domaine du Tawhid et de l'Aqidah. C'est Kitab al-Tawhid. Kitab al-Tawhid, ça touche plutôt le domaine de Tawhid al-Ibadah, de l'unicité dans l'adoration. Et l'adoration sous sa forme globale et générale. Que la toute adoration ne doit être donnée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala exclusivement et sincèrement. Et ça, c'est la base de son livre Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, qui a beaucoup été commenté, dont le plus grand commentaire qui est connu, c'est Fath al-Majid de son descendant Abdul Rahman ibn Hassan al-Sheikh rahimahullah, et qui a été traduit en français, hein, c'est un volume. La traduction, elle est plus ou moins bonne. Ça, c'est aux frères qui le lisent de voir si la traduction est bonne ou pas. Car dans les traductions, des fois, il faut toujours bien vérifier. Surtout dans le domaine de la Aqidah. Car beaucoup de traducteurs traduisent d'après leur conviction à eux. Par exemple, il y a un livre de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il y a un traducteur qui traduit le hadith du prophète Hassan qui dit « Irhamu man fil ard, yarhamkum man fil sama ». Littéralement, la traduction qu'il faudrait donner, c'est « Soyez clément envers ceux qui sont sur terre, celui qui est au ciel le sera pour vous, sera clément pour vous ». Lui, il a traduit « Soyez clément ». C'est pas du mot à mot, hein, c'est approximativement. Il a traduit « Soyez clément envers ceux qui sont sur terre, le ciel le sera pour vous ». Pour pas dire qu'Allah est au-dessus du ciel. Donc c'est bien, là on comprend bien, c'est une histoire de conviction, de croyance, de dogme. Parce que à mon avis, cette personne-là, hein, elle n'a pas là, cette vraie croyance en Allah subhanahu wa ta'ala comme quoi qu'Allah est au-dessus de son trône, au-dessus de ses créatures. Et ça c'est très important à mettre le point dessus. C'est pour ça qu'on dit dans les traductions, lorsqu'on veut discuter, il faut revenir au texte original pour voir le vrai sens des textes. Et une traduction, comme on dit, c'est souvent trompeux. Il faut faire attention à ça. Il faut prendre la traduction comme une approche, seulement. Mais ce n'est pas vraiment le contenu. Et notre but, ce n'est pas de rester tout le temps avec les traductions. Il nous est demandé d'apprendre la langue arabe. Et sachez une chose, c'est que l'apprentissage de la langue arabe, j'ouvre une parenthèse, parce que le sujet le ramène, l'apprentissage de la langue arabe est une obligation pour chaque musulman et chaque musulmane. La langue arabe n'est pas seulement la langue des arabes, elle est la langue de tout musulman, car tout musulman il croit en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Mohammed est arabe. Tout musulman croit au Coran et Allah a choisi que le Coran soit révélé en langue arabe. Donc, c'est la langue de tout musulman. Et sachez une chose, que la plupart, beaucoup de grands savants renommés et de grands imams n'étaient pas arabes. Si on regarde leur race, ils étaient arabes parce qu'ils parlaient l'arabe couramment. Et ils étaient musulmans et fiers de la langue arabe. Mais si on regarde leur race, ils n'étaient pas arabes. L'imam al-Bukhari, il est de la ville de Bukhara, qui est près de Samarkand en Ouzbékistan. L'imam Muslim, al-Tirmidhi, al-Nasa'i, Ibn Majah, Abu Daoud, ceux qui ont rapporté les 6 livres de hadith, ils sont tous de la région de Khorasan, à Neysabour, qui est au nord de l'Iran, entre l'Iran et l'Azerbaïdjan. L'imam Abu Hanifa, c'est un persan. On pourra encore continuer. Sibawayh, qui est son livre, Kitab, qui est la base dans la langue arabe et dans la grammaire arabe, tout ça quand quelqu'un est vraiment renommé en langue arabe et dans la grammaire, on dit il ressemble à Sibawayh. Sibawayh, c'est un exemple dans la grammaire arabe, c'est un persan. Et beaucoup n'étaient pas arabes, et ça, il ne faut pas l'oublier. Et à notre époque, le grand cheikh, le grand mohadith Mohamed Nasr bin Al-Albani, son nom le porte bien, c'est un Albanais d'origine. Et il est né en Albanie. Il est venu à Damas à l'âge de 8-9 ans. Bon, mais il a grandi à Damas, il a fait l'école à Damas. Sinon, il est d'origine albanaise. C'est un Européen. C'est pour vous dire quoi ? Qu'il faut apprendre la langue arabe. Il faut l'apprendre, il faut lui donner son importance. Même Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah le dit, qu'il est un devoir de chaque musulman musulmane d'apprendre et d'étudier la langue arabe au minimum de quoi pouvoir bien parler l'arabe et correctement. Parce que sachez une chose, c'est qu'à ces époques-là, celui qui déformait l'arabe ou celui qui ne savait pas quand est-ce mettre un dhamma ou un fatha, de mettre un sujet à la place d'un COD ou un COD à la place d'un sujet, on pouvait des fois ordonner de le frapper. C'est vrai que même il disait, si jamais je vois celui qui vient déformer l'arabe, j'ordonnerai qu'il soit frappé. Pourquoi ? Pour lui donner une leçon, comme quoi il ne faut plus qu'il recommence. Hein ? Ça, il ne faut pas l'oublier, ça, cette chose-là. Et c'est pour ça que l'imam Malik, rahimahullah, il est rapporté qu'il dit que je ne vois pas un homme venir discuter sur le Coran alors qu'il ne connaît pas les langues des Arabes sans que je n'ordonne pas qu'il soit fouetté ou frappé. On dira aujourd'hui tout le monde discute sur le Coran sans connaissance. Ça, c'est très grave. Donc, ça, c'est un point très important pour la langue arabe. Donc, j'en reviens. Donc, je disais que son grand ouvrage, Kitab al-Tawhid, qui est basé sur Tawhid al-Ibadah, l'unicité dans l'adoration. Pourquoi ? Parce que l'époque de Ibn Abd al-Wahhab, il faut la connaître et il faut l'étudier. Ibn Abd al-Wahhab, lorsqu'il est venu, la péninsule arabique, elle était remplie, pleine de polythéisme sous toutes les formes. Dans le domaine de la croyance, ça n'allait pas. Ce n'était pas la croyance authentique. Dans le domaine des adorations, beaucoup d'adorations n'étaient pas exclusives à Allah subhanahu wa ta'ala. Combien allaient vers les tombes ? Et les tombes, ce n'étaient pas des tombes vraiment comme le prophète sallam le voulait. C'était des palais, c'était des coupoles, c'était des mausolées. Du cimetière de Baqiya, le grand cimetière de Médine, où il y a plus de 4000 sahaba, c'était que des mausolées et des lieux de pèlerinage et des lieux de je ne sais pas quoi. Donc ça, vous voyez que c'était un grand combat qu'il avait devant lui. Et une grande ignorance dans la tête de la masse. On a rajouté dans cela. Car l'ignorance est un grand ennemi. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre. Même le strict minimum de sa religion, il faut l'apprendre. Il faut savoir que le seul chemin qui mène au paradis, c'est le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que la ilaha illallah veut dire je ne dois adorer, je ne dois invoquer, je ne dois exaucer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad Rasulullah, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, cela veut dire que c'est lui qui nous a enseigné la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est son chemin qui nous mène au paradis. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit bien كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Vous tous vous entrerez au paradis, sauf celui qui ne veut pas. Alors les compagnons dirent, ô message d'Allah, mais qui d'entre nous ne veut pas le paradis? Et il dit, celui qui m'obéit entrera au paradis, et celui qui me désobéit, c'est qui ne le veut pas. C'est très clair. Pas besoin de te chercher, comme on dit, midi à 14h. Très clair. Tu veux, si tu veux entrer au paradis, suis le chemin de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne veux pas, ça te regarde. Mais tu n'auras aucune excuse à mon prière. Donc ça c'est un point qui est très important à savoir. Donc le livre Usul al-Thalatha, alhamdoulilah, on peut le trouver traduit en français. La traduction, comme on revient toujours dessus, est plus ou moins bonne, mais au moins c'est une approche. Et en général, les frères, ça serait bien, Inch'Allah, que les frères et sœurs aient chacun un exemplaire d'Usul al-Thalatha. Et le plus important, c'est qu'il soit en arabe, parce qu'il faut qu'ils l'apprennent, Inch'Allah. Donc ça c'est le plus important. Donc qu'il soit en arabe. S'ils l'ont en français, c'est un plus, alhamdoulilah, ou ils peuvent se photocopier, il n'y a pas beaucoup de pages, hein. Donc ils peuvent se photocopier s'ils n'ont pas d'exemplaires suffisants. Sinon, dans le Kitab al-Tawhid, la traduction qui a été faite en français, je voudrais lire un peu l'introduction qui explique un peu Mohammed Abdul Wahhab et son époque, hein, pour un peu se situer. Ça va nous aider aussi pour Al-Usul al-Thalatha. Donc il dit introduction, ce livret, qui est le livre Kitab al-Tawhid, et le fer de lance conceptuel d'un puissant qui débuta du vivant de son auteur, Mohammed ibn Abdul Wahhab, né à Uyina. Al-Uyina, c'est une ville qui est juste à côté d'Al-Qasim. Al-Qasim, elle est connue, c'est la ville de qui? De Cheikh ibn Uthaymin. Hein? C'est l'imam de la grande mosquée d'Al-Qasim. Il est né en l'an 1115 de l'Égypte et il est mort en l'an 1703 de l'Égypte, dans la ville de Dar'iyya. En ère chrétienne, il est né en l'an 1115 de l'Hégire et il est mort en 1206 de l'Hégire. L'équivalent en calendrier chrétien, 1703-1792. Et qui s'étendit comme l'éclair à travers le monde musulman durant le siècle dernier. Le mouvement s'étendit presque partout. Le terme mouvement ici, il ne faut pas le comprendre comme on le comprend aujourd'hui. Là, c'est le prêche. Le prêche qu'a fait Mohammed Abdul Wahhab n'est pas un mouvement. Il n'est que la continuité de la da'wa d'Ibn Taymiyyah, qui est la continuité de la da'wa de l'imam Ahmad ibn Hanbal, qui est la continuité de la da'wa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils n'ont rien ramené de nouveau. Donc il dit, le mouvement s'étendit presque partout, mais pris des noms et des formes différentes dans différentes parties du monde musulman. Toutefois, partout, il était traditionnaliste. C'est-à-dire, il s'identifiait au mouvement islamique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de ses compagnons, radiallahu anhum, du premier siècle de l'Égypte. Partout, il visait au réveil de la foi et à rendre opérationnel dans le cœur et la vie des musulmans les valeurs, les impératifs et les recommandations du Saint-Coran, ainsi que la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le mouvement prit une essence après qu'on se fut rendu compte que les musulmans avaient été pendant trop longtemps en déclin, que le pouvoir de leurs ennemis avait surpassé le leur, et qu'ils étaient devenus les objets plutôt que les sujets de l'histoire. Le mouvement imputa ce malaise au relâchement du musulman dans l'observance des premiers commandements de la foi islamique. La vie religieuse des masses musulmanes, ainsi que leur conscience religieuse, avait été infiltrée par les points de vue et les pratiques des soufis. Les soufis, ce sont des sectes qui sont venues bien après les premiers siècles de l'islam. À l'origine, c'était quoi? C'était un domaine qui touchait à la spiritualité. La spiritualité rentre dans l'islam. Le musulman doit avoir de la spiritualité, mais comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné, pas comme l'ont innové certains. Et il n'y a pas de secte en islam, et ces sectes-là ont fait plus de mal à l'islam que de bien, compromettant le tawhid. Un revirement du cours de l'histoire, le mouvement conclua, ne serait pas possible sans une réforme de la religiosité musulmane populaire. Si ni le malaise, ni le diagnostic n'étaient nouveaux, le monde musulman avait connu une période de déclin auparavant, avant sa marche contre la Byzantine, la Russie et le reste du monde. La Byzantine, c'est Byzance, qui avait comme capitale Constantinople, plus tard qui fut Istanbul. Les Byzantins, ce sont les Romains de l'Orient. Ce sont des Romains. Mais à la différence des Romains de l'Occident, qui étaient en Italie, qui étaient à Rome, ceux qui étaient en Orient, on les appelait les Byzantins. Ce n'est pas surprenant. Il se peut qu'il y eut d'autres jeunes étudiants de Sharia qui en furent de même. Ce qui était cependant extraordinaire, c'était la rencontre entre l'alim et le prince Mohammed ibn Saoud. Mohammed ibn Saoud était le chef d'une tribu, de sa tribu. C'est pour ça qu'on l'appelait Al-Amir, parce qu'il était l'amir de sa tribu. Et Ibn Abd al-Wahhab a invité beaucoup de chefs de tribu à accepter son prêche, à accepter la vraie croyance, et ils ont tous refusé. Certains ont compris ce qu'ils voulaient, mais par peur que d'autres tribus soient contre eux, ils n'ont pas voulu accepter. Et Mohammed ibn Saoud, lui, a accepté. Qui éprouvèrent le besoin de s'entraider et qui considèrent le mariage de la pensée à l'arbre comme la clé à une nouvelle page de l'histoire islamique. Et ça, c'est vrai. Comme il dit Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, pour la sauvegarde de la religion, il faut deux choses. Un livre qui illumine et qui guide, et une épée qui coupe. Qui coupe toutes les barrières qui pourraient s'entreposer devant cette lumière-là. Et c'est pour ça que dans un pays, s'il n'y a pas de gouvernant, eh bien c'est la loi de la jungle. La grandeur des deux hommes était telle qu'ils considéraient le mariage fatal de l'esprit de l'un à l'épée de l'autre comme le double d'un autre bay'a ou traite la veille de l'Égia. Le prince et l'alim utilisèrent plusieurs des mots même qui avaient été utilisés pour sceller le pacte prophétique. Tout cela se passait à Daraïa, un village dans l'est de la partie centrale de l'Arabie. La région était un des coins les plus isolés du monde musulman. Il n'y avait là aucune pression interne ou externe de l'Empire. Là, il n'y avait jamais eu de mouvement religieux favorable ou à l'encontre de ce qui allait arriver. La région ne savait rien de l'engagement qui opposait l'Est musulman à l'Ouest chrétien en Europe de l'Est. Elle n'était même pas au courant des influences occidentales qui agissaient sur le califat Istanbul. Le mouvement naquit et atteignit sa maturité avant que Napoléon ne vienne en Égypte. Daraïa devint la plus grande capitale du modernisme islamique sans subir aucune influence moderniste. La vitalité inhérente de l'islam... La traduction est quand même un peu longue. Je crois que dans ce qu'on a vu, ça a donné quand même un peu une idée sur ce que je voulais dire. Maintenant, on va attaquer un nouveau sujet qui est un aperçu sur le vécu et la vie de Mohammed ibn Abd al-Wahhab, l'auteur de l'ouvrage Al-Usul al-Thalatha. Pourquoi ? Car il est préférable aux frères et aux sœurs qu'à chaque fois qu'ils veulent étudier un livre, et sachez qu'un livre il a été écrit par quelqu'un, et bien de savoir c'est qui cet auteur-là. Et d'avoir un minimum de connaissances dessus, et pour mieux comprendre ce qu'il veut enseigner dans son livre. Alors, l'imam Mohammed ibn Abd al-Wahhab, alors il dit, je le dis en arabe et puis je le dirai après en français. Comme ça, ça va un peu... facilité pour les frères ici, et puis ça va être une aide aussi pour écouter l'arabe aussi. Alors il dit Nasabou. Nasabou, c'est son ascendance. L'ascendance de Mohammed ibn Wahhab. Huwa Sheikh al-Islam, c'est le chef de l'islam. Mohammed ibn Abd al-Wahhab, ibn Sulayman, ibn Ali, ibn Mohammed, ibn Ahmed, ibn Rashid, ibn Barid, ibn Mohammed, ibn Mushrif, min Awhibati Bani Tamim. Donc hein, là on vient dire Mohammed, fils de Abdul Wahhab, fils de Suleyman, fils de Ali, fils de Mohammed, fils de Ahmed, fils de Rashid, fils de Barid, fils de Mohammed, fils de Mushrif. Il faisait partie de la tribu de Bani Tamim, une très grande tribu arabe hein, du centre de l'Arabie. Donc, Al-Mujaddid liman darasa min ma'alim al-Islam fil qarn al-thani 'ashar. C'est le réformateur de ce qui a été oublié, de ce qui a été enterré parmi les grandes connaissances de l'islam au courant du 12e siècle de l'Hégire. Wiladatuhu, sa naissance. Wulida rahimahullah fi baladihi al-Uyina fi sanati al-Khamisa عشرة بعد المئة والألف من الهجرة النبوية من البلاد النجدية. Il est né, qu'Allah le prenne dans sa miséricorde, dans sa ville Al-Uyina, en l'an 1115 de l'égir prophétique dans la région de Najd. La région de Najd, c'est la région qui est au nord de l'Arabie, qui a comme capitale Riyad. Nash'atuhu, hein? Comment il a grandi? Donc là, il dit Nash'a fi bayti ilmin wa sharafin wa din. Il grandit dans une maison, dans une famille qui avait de la science, une famille qui était noble et qui était religieuse. Falaqad kana abuhu Abdul Wahhab aliman kabiran. Son père, Abdul Wahhab, était un grand savant. Wa kana qadiyan fi baladihi al-Uyina. Et il était le juge de sa ville al-Uyina. Wa jadduhu Sulayman alim Najd fi zamani. Et son grand-père Sulayman était le grand savant de Najd de son époque. ولهذا حفظ الشيخ القرآن قبل بلوغ عشر سنين. Et c'est pour cela que le cheikh il a pris le Coran avant qu'il ait atteigné les 10 ans. ودرس في الفقه حتى نال حظا وافرا. Et il étudia le fiqh, la jurisprudence, et surtout dans le fiqh Hanbali, hein, jusqu'à qu'il en ait eu une très grande connaissance. وكان حاد الفهم حتى قال أبوه عنه لقد استفدت من ابني محمد فوائد من الأحكام. Et il avait une très grande compréhension jusqu'à ce que son père dit j'ai appris de mon fils Mohammed beaucoup de règles. وقد كان رحمه الله كثير المطالعة في كتب التفاسير والحديث والفقه. Et il était, qu'Allah le prenne dans sa miséricorde, il étudiait beaucoup, hein, dans les livres de commentaires du Coran, du hadith et du fiqh. وَرُزِقَ مَعَ ذَلِكَ سُرْعَةِ الْكِتَابَةِ. Et Allah lui a donné en plus de cela, hein, une écriture rapide. Il écrivait rapidement. Et ça, c'est une très grande aide, surtout à l'époque, hein, où la plupart, celui qui voulait un ouvrage, en général, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il le recopiait à la main. Ou alors, il payait quelqu'un pour le recopier. Donc, c'était un très grand bien de pouvoir écrire rapidement. فكان يكتب الكراريس في المجلس الواحد لا يمل ولا يكل. Il écrivait plusieurs cahiers dans une seule assemblée. C'est-à-dire sans, au moment où il s'assoit, avant de se lever, il avait déjà écrit plusieurs cahiers sans que cela, hein, sans qu'il s'en lasse et sans que cela, hein, ne le fatigue. رحلاته في طلب العلم. Ses voyages, hein, et ses déplacements pour la recherche de la science. رحل الشيخ عدة رحلات بعد أن حصل كثيرا من العلم من ضواحي نجد. Le cheikh s'est beaucoup déplacé après qu'il a appris beaucoup de science dans sa ville et les contrées de la région de Najd. فقد رحل إلى الحرمين مكة فالمدينة. Il est parti dans les deux territoires sacrés, Mecca puis Médine. وقرأ على الشيخ عبد الله بن إبراهيم النجدي. Et il étudia chez le cheikh Abdullah, fils d'Ibrahim, qui est originaire de Najd. كما قرأ على الشيخ عبد الله بن إبراهيم الشمري. Puis, comme il étudia aussi chez le cheikh Abdullah, fils d'Ibrahim الشمري. كما قرأ على ابنه الفردي الشهير إبراهيم الشمري. Comme il étudia aussi chez le fils de Abdullah ibn Ibrahim الشمري, qui s'appelait إبراهيم الشمري. مؤلف العذب الفائض في شرح ألفية الفرائض. Qui est l'auteur d'un commentaire d'un livre sur les règles de l'héritage, qui s'appelle العذب الفائض في شرح ألفية الفرائض. وعرفاه على المحدث الشهير. Et ces deux chiens l'ont fait connaître, lui ont présenté un grand muhaddith qui s'appelait, qui était connu, Muhammad Hayat al-Sindi. Il s'appelait Muhammad Hayat al-Sindi. فقرأ عليه في علم الحديث ورجاله. Il étudia chez lui la science du hadith et la science des narrateurs. وَجَازَهُ بِالْأُمَّهَاتِ Et il lui donna la permission d'enseigner hein, des livres de base dans le domaine du hadith. وَلَهُ حَدِثَانِ مُسَلْسَلَانِ عَنْهُ Et il a deux hadiths qui sont de lui rapportés directement. Donc il a la chaîne jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثُمَّ رَحَلَ إِلَى الْأَحْسَى Puis il partit à la ville qui s'appelle l'Ahsa. وَالْبَصْرَ Et à Al-Basra. Al-Basra, c'est Bassora, qui est en Irak. وَطَلَبَ الْعِلْمِ فِي تِلْكَ الْأَقْطَارِ Et il cherche la science et il étudia dans ces régions-là. وَمِنْهُمْ الْمَجْمُوعِ فِي الْعِرَاقِ Et il étudia aussi chez الْمَجْمُوعِ en Irak. وَابْنَ عَبْدِ اللَّطِيفِ الشَّافِعِ فِي الْأَحْسَى Et le fils d'Abd al-Latif, al-Shafi'i, dans la ville qui est al-Ahsa, qui se trouve en Arabie. Wa darasa alayhima fi al-hadith wa al-fiqhi wa al-nahwi wa ghayrihima. Il étudia chez eux le hadith, le fiqh, la grammaire et bien d'autres choses. Falamma tamma lahu al-maqsoud min al-talabi. Et lorsqu'il eut ce qu'il voulut dans ses recherches et qu'il est arrivé à un certain degré, raja'a ila baladihi. Il est retourné dans sa région. وَأَخَذَ يَنْشُرُ التَّوْحِيدِ Elle a commencé à propager et à prêcher le monothéisme et l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala فِي رُبُعِ نَجْدِ Dans toutes les contrées de la région de Najd بِالْمُكَاتَبَةِ Par des écrits, par des lettres et des messages وَالْمُرَسَلَةِ Et par par d'autres moyens d'information ثُمَّ أَخَذَ يَقْرَأُ عَلَى أَبِيهِ Puis, il a continué à étudier chez son père. Hatta tufiya 'am 1153 Hijriya, jusqu'à ce que son père mourut en l'an 1153 de l'Hégire. Wa ba'da wafati walidihi, et lorsque son père il est mort, tara dhikr al-shaykh fi al-afaq, le nom de Cheikh Mohammed al-Wahhab a commencé à se répandre dans beaucoup de contrées islamiques, beaucoup de gens commencent à entendre parler de lui. Fa akhadha Et donc il a commencé à enseigner وَيَنْشُرُ الدَّعْوَ السَّلَفِيَّ Et à propager et à prêcher hein, la da'wa salafia qui est la da'wa des pieux prédécesseurs l'islam compris comme les pieux prédécesseurs l'ont bien compris وَيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ Et il ordonnait le convenable وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ Et il désapprouvait il interdisait le blâmable وَيُهَاجِمُ الْمُبْتَدِعَ أَهْلَ الْقُبُورِ Et il combattait et il attaquait les innovateurs, ceux qui innovaient auprès des tombes. وَقَدْ شَدَّ أَزْرَهُ بَعْلَ تَوْفِقِ اللَّهِ وَعِنَايَتِهِ وَيَعَيَتِهِ الْوُلَاتِ مِنْ آلِ السَّعُودِ Et après l'aide d'Allah et la bienfaisance d'Allah subhanahu wa ta'ala et le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala et la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala les émirs de Al Saoud l'ont beaucoup aidé. وانتشرت الدعوة إلى الدعوة سيبروباجي في بلاد نجد dans la région de Najd والحجاز et dans la région de Hijaz la région de Hijaz est la région qui comprend les deux terres saintes la Mecque et Médine وأطراف اليمن et des contrées du Yémen وعمان et le sultanat de Oman وغيرها et d'autres contrées le cheikh l'islam Mohammed ibn Abdul Wahhab a écrit beaucoup d'ouvrages Et la plupart, ils tentaient d'expliquer la da'wa comme elle était à l'époque du prophète sallam. Le prêche comme il était à l'époque du prophète sallam. Et il débuta par quoi? Par le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a beaucoup de livres. Al-usul al-thalatha, les trois fondements du monothéisme. Kashf al-shubuhat, masail al-jahiliya. Masail al-jahiliya, on l'a en français, c'est question de paganisme. Kitab al-Tawhid, on l'a aussi en français, le livre de l'unicité. Mukhtasar al-Insaf wa al-Sharh al-Kabir. Mukhtasar Zad al-Ma'ad al-Kabair. Ça, c'est, il en a beaucoup d'autres. Ce sont des ouvrages que Mohammed al-Wahhab a fait. Et beaucoup ont été compilés dans des volumes, hein, tous les ouvrages de Ibn al-Wahhab. Et il le dit Walahu fatawa wa rasail jumi'at bismi majmu'at mu'allafat al-Imam Mohammed al-Wahhab. Donc, ils ont été compilés. Dans des volumes, un regroupement des ouvrages de l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab. Wafatuhu sa mort. توفي الشيخ في عام 1206 من الهجرة. Il est mort en l'an 1206 de l'Égypte. بعد عمر المديد, après une grande vie, يقارب 91 سنة, il vécut près de 91 ans. عمره بالدعوة والجهاد والعلم والتعليم. Sa vie n'était faite que دعوة, de prêche, de jihad, de combat, والعلم, de connaissance et de science, والتعليم et d'enseignement. فرحمه الله رحمة واسعة, qu'Allah le prenne à sa miséricorde, وجزاه عن الإسلام وأهله خير الجزاء, et qu'il le récompense pour l'islam et les musulmans des meilleures des récompenses, ونفع بذريته, et que ses enfants, qu'on profite de ses enfants comme on profita de lui, وذريت أنصاره, et des enfants de ceux qui l'ont aidé, إنه سميع المجيب, إنه سميع المجيب, et c'est Allah سبحانه وتعالى qui entend et qui répond et qui exauce les invocations. Mohamed Abd al-Wahhab, beaucoup de savants écrivirent des livres sur sa vie et sur sa biographie. Donc là, c'était un résumé de sa biographie qui était dans le commentaire de l'Ossou Salatar du Cheikh Ibn Baz. Sinon, Cheikh Ibn Baz lui-même a fait une très grande conférence en 1965 à l'Université islamique de Médine, qui avait pour thème la vie de Mohamed Ibn Abdul Wahhab, qui après fut publié, qui existe en livre, la vie de Mohamed Ibn Abdul Wahhab, écrite par Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz. Sinon, là aussi, un très grand ouvrage fait par un cheikh indien qui s'appelle Mohamed Ibn Abdul Wahhab, Cheikh Mohamed Ibn Wahhab, qui est un livre qui explique et qui commente la vie et le suivi de la da'wa de Mohamed Ibn Abdul Wahhab. Et en français, il y a un livre qui est sorti là dernièrement de Abu Tami du Qatar, rahimahullah, qui a écrit un grand livre sur la vie d'Ibn Abdul Wahhab, ses idées et sa da'wa, et qui fut traduit en français et qui est annoté par Ibn Baz. C'est un livre qui était publié par le ministère des Affaires religieuses d'Arabie Saoudite. Hein, donc si les frères peuvent l'avoir, ben, qu'ils se débrouillent pour essayer de l'avoir, Inch'Allah. Donc ça, c'était pour parler sur la vie d'Ibn Abdul Wahhab. Il y a un point avant d'attaquer le livre qu'il faut maintenant parler dessus. C'est que la da'wa d'Ibn Abdul Wahhab, comme toutes les autres da'wa, comme depuis l'époque du prophète sallam, comme l'époque d'Ahmad ibn Hanbal, comme l'époque d'Ibn Taymiyyah, comme l'époque d'Ibn Abdul Wahhab, et comme toute autre époque, les innovateurs et les sectes et les gens qui sont contre la sunna du prophète sallam ont toujours essayé de contrer la vérité. Parfois par des mensonges, parfois par des ambiguïtés, hein, et surtout de profiter de l'ignorance de la masse pour les égarer et pour les éloigner. Et c'est pour cela qu'on voit que les Turcs, les Ottomans, pendant un certain moment, ils ont propagé, ils ont donné un nom, une étiquette à ces gens-là, en les appelant al-Wahhabiyin, les Wahhabites. Hein? Et ça, c'est une erreur, ils n'ont pas le droit de le faire. Car pour dire que quelqu'un est Wahhabi, il aurait fallu premièrement que Mohammed ibn Abdul Wahhab ramène quelque chose de nouveau. Et Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans la pratique, il était Hanbali, il n'a rien ramené de nouveau. Et dans la Aqida, il suivit les pieux prédécesseurs, il n'a rien ramené de nouveau. Il a seulement fait rappeler aux gens comment l'islam était appliqué à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qu'il a fait seulement, pas autre chose. Donc ça, c'est une grave erreur et c'est une étiquette dont les musulmans n'ont pas le droit de mettre à d'autres, et ils ont des comptes à rendre au Qiyama pour cette erreur-là qu'ils ont fait et pour cette faute grave, ce grand péché qu'ils ont fait. Deuxièmement, si jamais ils étaient véridiques sur ce qu'ils disaient, ils n'auraient pas dû dire wahhabite. Car celui qui a prêché, qui a fait cette grande dawa, c'est pas Abdul Wahhab, c'est Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et Abdul Wahhab, c'est son père. Et son père n'a rien à voir dans tout cela. Donc si jamais ils étaient véridiques, ils auraient dû dire Mohammedi. Mais ils ont été dire quoi? Wahhabi. Et ça, déjà, c'est une deuxième grande erreur qui a été faite. Et troisièmement, toutes les sectes, ils sont attachés à quoi? Les soufis. Au sultan soufi, il y a beaucoup de divergences, mais le plus probable, c'est que c'est parce qu'à l'origine, c'était des gens qui mettaient sauf, qui mettaient de la laine. Eux, leur nom provient de quoi? D'un vêtement. Ils reviennent à quoi? Ils reviennent à un vêtement. Toutes les autres sectes reviennent à quoi? À un homme bien précis. À un homme bien précis. Hein? Donc, alors que le Wahhab c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, alhamdulillah, c'est lui qui était Wahhabi. Alhamdulillah, le Wahhab c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Je préfère revenir à Allah que de revenir à de la laine ou je ne sais pas quoi. Ou à un homme qui ne peut ni m'aider, ni me ramener quelque chose à l'Qiyama quand je serai devant Allah subhanahu wa ta'ala. Au moins, si tu me dis Wahhabi, alhamdulillah, ça veut dire que je reviens à qui? Al Wahhab, le grand donateur qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Mais à l'origine, il n'y avait pas à donner ce genre d'étiquette. Ça, c'était un point bien à dire, ou bien expliquer aux frères pour qu'ils le comprennent très bien. Donc, Inch'Allah, il faudra que les frères, Inch'Allah, qu'ils essaient d'avoir un exemplaire de l'Usul Thalatha, et surtout en arabe. S'ils ne l'ont pas, ils le font des photocopies, Inch'Allah. Et, comme j'ai dit tout à l'heure, on aura, Inch'Allah, à chaque cours, à apprendre une partie du livre. Bon, je m'excuse parce que j'ai parlé beaucoup et longuement pour cette introduction et je suis même souvent sorti du sujet. Je m'en excuse pour les frères. Ceci dit, Inch'Allah, pour commencer, Inch'Allah, le livre, ça, on ne le fera que la prochaine fois, Inch'Allah, la prochaine fois qu'on aura le cours. Mais déjà, à l'avance, on apprendra le passage qu'il y a à apprendre, premièrement. Et après, le prochain cours, on fera le commentaire et l'explication, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah, de ce qui a été appris.